chers auditeurs, encore une fois. Mon cher Brett, le dispositif, je crois, ce soir est quasiment au grand complet, si on excepte Magic, qui revient tout juste d'un grand voyage. Vous pouvez nous présenter tout le monde, pardon ? Bien sûr. Bah, je suis déjà très heureux de savoir que, que Magic est revenu en bon état de marche. Enfin, on espère. A priori, oui, on a reçu un petit message de sa part cet après-midi. Donc, il lui reste au moins ses deux pouces, alors. Normalement. Donc voilà, et ben, vous venez d'entendre la voix du coach, donc, qui est avec nous ce soir. Dandé, bien sûr. Bonsoir. Jean 2. Bonsoir. Nouvellement nommé, anciennement Cameroun. Nouvellement Jean 2. Manuel, bien sûr, vous êtes là. Et Esther Salmona, qui est avec nous sous le pseudo de Puncharella ce soir. Alors oui, sous le pseudo de Puncharella, puisque c'est un sommaire extrêmement complexe encore que nous vous avons concocté, chères auditrices, chers auditeurs, un sommaire auquel l'ami Donné n'est pas étranger. Nous avons décidé d'intituler cette émission Punchline, Twittos et voix de merde. Trois thèmes qui sont importants pour nous, centraux et déterminants. Fédérateurs même. Voilà, tout à fait. La première chose à noter, chères auditrices, chers auditeurs, c'est que le rôle de Puncherella, donc ce soir, aka Esther Salmona, sera de tweeter en direct toute notre émission. Vous pouvez donc être en communication permanente avec elle sur le tweet. Alors je laisse Esther nous donner le nom ou l'adresse, je ne sais pas trop comment ça marche. Vous savez, ici à Des Bâtons d'Anguirou, nous testons les nouveaux moyens de communication. Esther, où est-ce qu'on peut nous trouver? Alors bonsoir, est-ce que le micro marche? Tout à fait, très bien. C'est absolument parfait. Donc sur Twitter, c'est donc DBDGR, entrecoupé chaque lettre de underscore. Voilà, et à ce moment-là, on arrive directement sur la page et on peut lire ces magnifiques tweetos. Alors, vous allez tweeter toute cette émission et bien sûr, vous prenez la parole quand bon vous semble, quand une réaction vous semble déterminante ou bien quand l'un de vos tweets promet d'être vraiment une sorte de punchline qui sera elle-même fabuleusement accueillie sur ce plateau. Mon cher Dondé, vous allez nous expliquer les règles du jeu qui vont régir cette émission, le jeu du punch, la punchline, le punchline game. Et in fine, pourquoi Puncharella ? Eh bien, donc vous avez remarqué que le début de cette émission se déroule sous des auspices courtois. Tout à fait. Et c'est bien normal, c'est parce que le grand jeu n'a pas débuté, ce grand jeu qui va consister pour chacun d'entre nous à énoncer un certain nombre de punchlines. Punchline qui s'adresse à l'ensemble des commentateurs, chroniqueurs, personnes ici présentes du dispositif Des Bâtons d'Anguirou, où il va s'agir en fait non pas d'attaquer mais d'interloquer, de surprendre, de saisir son prochain au cours de cette émission. Alors évidemment, comme dans tout jeu, une punchline est une forme d'agression sympathique, on va dire. Et de l'autre côté, il y a un droit de réponse qui peut s'apparenter à un droit de défense, un droit de réponse. Et ce droit de réponse, eh bien, sera déterminant puisqu'il permettra à celui qui en est l'auteur, soit, alors là, je commence à m'embrouiller un petit peu, mais la fin de ce jeu de la punchline, c'est que soit on a une réponse à la première punchline et dans ce cas, on évite de boire un coup de punch en fait, puisqu'il y a un punch qui est préparé sur le plateau. En fait, alors le coach est en train de préparer sa petite tambouille, voilà. Une recette personnelle du coach. Donc un petit punch sur le plateau. Le coach punch. Il punch à gauche, le coach. Je punch, donc je suis. Et si, en revanche, évidemment, celui qui fait les frais de la punchline n'a pas de réponse à soumettre, à soumettre, c'est très très beau, et bien évidemment, il boira donc un verre de punch sous les acclamations. Alors si on peut résumer un peu, mon cher Dundé, nous avons devant nos yeux quelques punchlines préalablement écrites que nous allons essayer de placer dans cette émission. Et la personne à qui sera adressée cette punchline aura le droit de se défendre elle-même par une punchline. Voilà. Ouais, c'est très bien dit. C'est ça. Alors pour compléter le sommaire, oui, mon cher Brett. Oui, non, je crois que nous avons le docteur. Avec bien nous, sûr, voilà. Honteusement oublié de présenter tout à l'heure, mais on avait un problème technique, une fois n'est pas coutume sur Radio Galère. Mais on pourrait faire un test, voir si le docteur est bien avec nous ce soir. Docteur, est-ce que vous nous entendez? Ah. Alors peut-être lui nous entend-il, mais nous ne l'entendons. Docteur ? C'est pas lui qu'on entend renifler. Ah, oui, docteur. Vous m'entendez ? Ah oui, on vous entend mal, mais on vous entend. Ah, vous m'entendez ? Oui, c'est un petit peu entrecoupé. La liaison depuis votre île secrète, je crois, est un peu mauvaise ce soir. Peut-être y a-t-il un vide tempête ? Non, pourquoi un vide tempête ? Je crois que On est globe. Ouais, on vous reçoit. Du coup, ma voix est polluée. Oui. Je vous remercie, cher docteur. On vous entend très mal. On va peut-être essayer de rappeler le docteur. Peut-être qu'il pourrait se déplacer, tweeter pour nous communiquer sa position. Docteur. Alors, le docteur nous rappelle. Très bien. Parfait. Alors, parce que le docteur fait bien évidemment partie à part entière de ce sommaire, puisqu'on aura sa traditionnelle chronique. Nous aurons aussi, pendant que vous faites votre petite tambouille, mon cher coach, votre traditionnelle croquine. Est-ce que vous pouvez nous en dire juste deux mots, savoir un peu de quoi il va s'agir ? Oui, en fait, ce soir, donc, plutôt que de faire personnellement une croquine comme d'habitude, j'ai décidé de donner un petit coup de pouce à un petit groupe de rap du 1-3. Du rap local, hein. Il faut penser local, produire local, consommer local, qui s'appelle le Sublime Bourtarum. Voilà, c'est le nom du groupe. Et le titre de la chanson, alors je l'ai oublié, mais je l'ai heureusement noté sur un petit morceau de papier. Le titre de la chanson, c'est le Sublime BTR Réclame. Voilà. Très bien, mais ça s'annonce formidable. Palpitant. Oui. C'est un nouveau groupe, c'est quoi? C'est récent, c'est... Ah oui, c'est vraiment un tout nouveau groupe qui, de débutants, ça fait à peine 20 ans, hein, qu'ils sont dans le métier du rap. Okay. On peut considérer que c'est tout jeune. C'est tout jeune. Et puis, eh bien évidemment, une émission des Bâtons d'Anguirou ne serait complète si nous n'avions pas notre envoyé spécial au stade. Et ce soir, c'est vous, mon cher Jean de Camoun, qui êtes, je crois, en Italie, à Milan. Absolument, à Giuseppe Meazza, où c'est actuellement la mi-temps. Un match magnifique entre l'Inter Milan et la Fiorentina. Et à la mi-temps, il y a 3-1 pour l'Inter. Déjà 3-1. Magnifique match, absolument. Un match fabuleux qui a vu les interistes mettre 3 buts en moins de 20 minutes. Brozovic qui avait ouvert le score à la 3e minute, suivi de Candreva qui l'a suivi à la 9e. Et à la 19e, un magnifique coup franc de Mauro Icardi qui avait un petit peu déjà scellé le cours de ce match. Mais la réduction du score de Kalinic à la 37e minute sur un corner peut relancer peut-être cette deuxième période. Eh bien, mon cher Jean 2, vous savez que vous intervenez quand bon vous semble, quand une punchline vous brûle les lèvres. Absolument. Et puis quand un but, évidemment, tout sera marqué sur la belle pelouse de Giuseppe Meazza. On vous retrouve tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps de commencer cette émission sur le troisième thème que nous avions prévu au sommaire, mon cher Brett? Ce thème était... Les voix de merde. Les voix de merde. Alors, les voix de merde, pourquoi donc? Eh bien, parce que il y a longtemps que nous écoutons les joueurs de foot, les entraîneurs et autres participants de ce beau sport s'exprimer sur nos antennes, et nous constatons que certaines voix détonnent, et nous avons décidé ce soir de leur rendre hommage chacun à notre tour. Je crois, Brett, que vous avez préparé vous-même un petit sujet sur l'une des plus belles voix de merde du football français. Parmi, pas les plus récentes, mais parmi les plus jolies. Celle de Vincent Guérin. Ah oui. Un joueur, comme le signalait tout à l'heure Dundé avant l'émission, qui va nous poser problème puisqu'il a quand même joué une partie de sa carrière dans le club de la capitale, pour le club de la capitale, donc il ne faudra pas déraper en parlant de lui, mais voilà. Oui, on peut signaler qu'il a aussi fait les belles heures du Stade Brestois, je crois, avec un autre joueur. Je crois qu'il a commencé par le Stade de Brest, ouais, après. Avec des gens comme Paul Le Guen ou David Ginola qui eux-mêmes ont mal tourné par la suite. Ouais, tout à fait. Bah écoute, on peut peut-être vous écouter, mon cher Brett, sur cette voix de merde. Oui, alors j'ai enregistré une chronique, hein, pour ma voix de merde, avec pour finir la voix de merde. Donc je vous propose qu'on l'écoute maintenant, si allez, vous voulez. Allez, c'est parti. Les dieux du football sont joueurs, parfois cruels, souvent taquins. Ainsi l'a pris Vincent Guérin, ou ne l'a pris pas, vous verrez pourquoi. Vincent Guérin, à peine un nom, un prénom éventuellement, un prénom Vincent à chanter sur les ondes, est né à Boulogne-Billancourt, cela semblait faire l'affaire, mais non. Le bonhomme n'avait pas l'organe adéquat. La voix n'avait pas eu ce dont les pieds furent dotés, ni l'éclat, ni la justesse. À défaut des studios de radio ou des plateaux de télé, Vincent choisit les stades. Et il fit le bon choix, car tout bêtement, Vincent est le joueur le plus sous-coté des années 90. C'est notre Andrés, l'Iniesta de l'Hexagone, un talent brut, une vision de jeu, des jambes comme un Derringer, capable pourtant d'envoyer des petits projectiles mortels. Ligue des champions 94-95, le club de la capitale affronte Barcelone en quart de finale, match retour au parc, un partout, les deux équipes sont à égalité sur l'ensemble des deux matchs, on joue la 83e minute quand Vincent s'empare du ballon et de l'extérieur de la surface place une frappe millimétrée à ras de terre au premier poteau qui trompe Busquets. Vincent qualifie le club de la capitale et s'en va chanter devant les tribunes. Heureusement, la bronca ne laisse rien entendre. Idem le 5 mars 1995, le CDC, club de la capitale, affronte Auxerre. 0-0, Vincent récupère le ballon au milieu de terrain, élimine un joueur et décoche une frappe pied gauche de 30 mètres qui va se loger dans la lucarne. Boum, comme on dresse l'enfant lune. Et de nouveau, Vincent court vers les tribunes et la bronca, bienveillante, couvre le champ de Vincent, l'enfant éclipse de lune. Car Vincent ne peut célébrer seul ses exploits. Il doit laisser chanter les autres ou se trouver un barde. Car Vincent a une voix de merde. Oui, une vraie voix de merde, nasillarde, lointaine, aiguë, sans relief. Pourtant, Vincent a joué avec les meilleurs. Lors de son transfert au Matra Racing, le Parisien titrait « L'homme qui valait un milliard ». Et puis c'est le Montpellier de Stéphane Paille, Canto, Laurent Blanc, avec qui il fut champion de France Espoir avec l'équipe de France Espoir. Puis c'est le club de la capitale et un championnat, deux Coupes de France, une Coupe de la Ligue et la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe en 1996. 5 demi-finales de Coupe d'Europe et un titre de meilleur joueur de l'année. Mais Vincent a une voix de merde. Mais les dieux sont-ils taquins pour autant ? Imaginez un Golgoth, une brute, une force de la nature, un gros bras, un dur, un monstre qui se pose là, menaçant, l'œil noir. Et alors d'une bouche faite pour manger à même l'animal sort une voix fluette, enfantine, amusante même. Un petit ruisseau au milieu d'un paysage hostile. Imaginez Gérard Depardieu pénétrant le salon bourgeois de Nathalie Granger, de Duras, bestial, sauvage, indomptable, susurrant sa réplique comme un enfant chétif ou d'une voix de fossé. Ça, c'eût été taquin. Mais Vincent Guérin. Voyez-le qui s'avance, malingre, le muscle absent, le cheveu sur le départ, le teint blafard. Voyez-le dans son short trop grand, ses chaussures de clown. Comme Don Andrés, qui aurait pu parier un copec sur le fait que ces deux physiques aux antipodes du genre régneraient sur le milieu de terrain. Vincent a une voix de merde, a joué aussi pour un club de merde, mais un cerveau et deux pieds, et c'est déjà bien. C'était une demi-finale de Coupe d'Europe, donc qu'on a perdu malheureusement. Après un match aller ici, on avait fait un partout, on avait perdu un match retour 1-0, mais le match retour avait été pour nous, on va dire, terrible, parce qu'on avait eu un nombre d'occasions impressionnant, qu'on n'a pas réussi à concrétiser. Donc on avait la frustration d'être éliminé effectivement, mais on avait fait jeu égal avec Arsenal. Et Arsenal, c'est vrai que c'était à ce moment-là une grosse équipe avec Ian White notamment, l'attaquant qui a été devancé après par Thierry Henry au niveau des buts marqués pour le club, mais un sacré buteur. Et il y avait vraiment une grosse équipe. Et ici, une très grosse ambiance parce que c'était la première fois que le Paris Saint-Germain est en demi-finale d'une Coupe. Merci mon cher Brett pour cette très belle chronique. C'était presque un hommage à cette belle voix de merde que fut et qu'est toujours Vincent Guérin. Magnifique. Ouais, c'était une voix de merde, mais c'était quand même un chouette joueur. Et ouais, je me souviens de quand je regardais le foot à cette époque, c'est-à-dire peu. Je suis souvent tombé sur les matchs du club de la capitale, plus diffusés à l'époque que l'Olympique de Marseille, qui était quand même dans une période noire de son football. Mm-hmm. Et je trouvais ce Vincent Guérin sympathique. Tout à fait, bel hommage. Et si je peux rajouter une petite anecdote personnelle, on se souvient de ce terrible match France-Bulgarie 93, n'est-ce pas, où on a accusé un petit peu à tort David Ginola, mais ce fameux coup franc joué par Vincent Guérin, il voulait garder le ballon, il dit à Ginola « calme-toi David ». Alors il dit « calme-toi ». Il dit un peu « c'est ça, calme-toi David ». Vas-y, je te fais une petite passe, on la garde sur le côté. Et puis bah, Ginola centre tout de suite et je n'ai jamais compris pourquoi. Mais... Mmh. Bah, c'est sans doute la voix de merde avec le palmarès le plus conséquent après Didier Deschamps quand même. Mmh. Je trouve, du foot français. Et il a quelques coupes nationales à son actif. Quoi. une coupe nationale, une je coupe crois, avec le club de la Gabriel, ouais, c'est peut-être pas le plus simple, pas le c'est un peu le même genre, c'est un peu le même genre de voix de merde. Alors des voix de merde dont on parlera ce soir peut-être évidemment puisqu'il y en a deux autres qui vont défiler dans notre beau palmarès. Et puis Jean 2, puisque vous aviez la parole, d'abord, est-ce que le match a repris à Giuseppe? Oui, oui, tout à fait, le match a repris à Giuseppe Meazza, l'Inter Milan qui mène toujours 3-1, et c'est une grosse débauche d'énergie là, de la Viola pour revenir un petit peu au score. C'est non, pour le moment, c'est toujours l'Inter qui a le ballon, mais la Viola qui essaye de, tant bien que mal, de refaire surface un petit peu dans ce match, et un deuxième but leur donnerait sans doute l'espoir pour la suite de cette rencontre, mais toujours 3-1, et les Interistes qui sont bien dans la partie là, une belle débauche d'énergie, encore une fois, eux qui ont la pression, hein, on le rappelle, tous les deux sont dans le ventre mou du championnat, une contre-performance pour l'Inter serait synonyme sans doute de gros changements au mercato d'hiver, l'entraîneur qui est bien sûr sur la sellette, beaucoup de joueurs aussi, c'est un club en crise, et là une petite victoire sur la Fiorentina ferait sans doute beaucoup de bien au Nerazzurri. Alors c'est bien parti mon cher Jean 2, et ce qui est bien parti aussi, c'est que je crois que vous avez pour nous, pour le dispositif des bâtons d'Anguirou, préparé ce qu'on a appelé en préparant ce sommaire, la pêche au tweet. Vous nous avez concocté une sorte de petit programme, de petit résumé de ce qui se fait sur la tweetosphère footballistique. Voilà, tout à fait. On vous écoute mon cher Jean 2. Bien écoutez, on m'a proposé ça, Twitter et punchline. Eh bien Twitter et punchline, ce serait un petit peu comme footballeur et phrase toute faite, vous voyez, où politique et langue de bois, ça va ensemble. Et ce, depuis la création même du site à l'oiseau bleu, car en effet, pour faire un petit peu d'histoire, celui qui s'autoproclame l'inventeur de Twitter, Jack Dorsey pour ne pas le nommer, se voit répondre « Non, tu n'as pas inventé Twitter, moi non plus, Christopher non plus, personne n'invente quelque chose sur Internet, on améliore des idées qui existent déjà. » Bam ! On y est dans l'esprit Twitter. Prends-toi ça dans les dents, Jack, car qui lui répond ça? Ni plus ni moins qu'Evan Williams, PDG du site. Et Twitter, ce n'est que ça. De Trierweiler à Donald Trump, ça vole dans les plumes de Larry. Eh oui, Larry Bird, ce petit oiseau bleu, nommé ainsi en l'hommage du grand basketteur. Mais si les footballeurs sont plutôt retranchés derrière des poncifs et des clichés en bois face caméra, ils sont plus expansifs devant leur écran de smartphone ou d'ordi pour nous en pondre de belles. Alors je vous propose donc un petit quiz à base de « qui a dit ?» si ça vous plaît. Peut-être qu'on peut commencer par un tweet qui date de 2015, quand le Real Madrid s'est vu éliminé sur tapis vert, on pourrait dire, de la Coupe d'Europe. Ah ben, je vous coupe, mon cher Jean 2, j'ai l'impression qu'on a récupéré le docteur. Docteur, est-ce que vous nous entendez? Ah, doc. Oui, bonsoir. Ah. Fameux. Eh bien, vous allez pouvoir partager avec nous ce grand moment qu'est la pêche à la tweet et le grand quiz du tweet de Jean de Camoun. Eh bien, j'en suis bien heureux et je suis très content de te retrouver, ainsi que toute cette équipe illustrée par cette merveilleuse chronique ou tweet au punch de notre merveilleux Brett. Alors, on vous écoute, mon cher Jean 2. Qui a tweeté ceci en 2013. Je dois retirer ce que j'ai dit sur Thiago Silva. Il a été immense ce soir. Joey Barton. Mais il ressemble toujours à un transsexuel en surpoids. Ouais. Magnifique, un point pour Brett, ouais. Immédiatement. Je n'ai pas capté que ça avait commencé, pardon. Donc déréveillez-vous, s'il vous plaît. Deuxième tweet. Ramène ta maman, elle joue bien sur le terrain, fils, hashtag salope. Pardon pour les enfants. C'est Zlatan. Ce n'est pas Zlatan. Nous sommes en 2014. C'est un joueur qui répond à un supporter des Queen's Park Rangers. C'est Joey Barton. Non, pas à nouveau. Qui réclamait alors ce supporter des Queen's Park un bon défenseur central pour son club. Ah, shit. Nous sommes dans une fin de carrière. Un défenseur central des Queen's Park Rangers. Plutôt une fin de carrière. Il est chauve à l'époque. De Jong. Non. C'est quand même pas Rio Ferdinand. C'est Rio. Et c'est un Rio pour Dundee. Oh là, c'est Rio. Rio. Rio. Une plus facile, mais que je ne pouvais pas éviter tellement elle est belle. Ne soyez pas raciste. Soyez comme Mario. C'est un plombier italien créé par des Japonais qui parle anglais, ressemble à un Mexicain, saute comme un noir et attrape des pièces comme un juif. Berlusconi. Non, mais ça finit pareil. C'est un joueur de foot ? Oui. Trapattoni ? Non, ça finit toujours un peu pareil. Balotelli ? Eh oui, c'est Super Mario ! C'est lui-même qui se... Qui, si, oui, il, eh est oui. Fort, il est très très fort. Il se cite lui-même, c'est donc un point pour Manuel. On y est. Nous avons... Qui répond à un supporter aussi de cette manière ? Tous les avis sont dans la nature, ou du moins au café du commerce. Mais c'est pas grave, vous n'avez pas de responsabilité. Patrice Evra ? Non. De la même personne, on a aussi celui-là. Petit, on t'a pas demandé de venir sur le terrain des plus de 12 ans. Sois gentil, retourne chez ta maman. C'est un entraîneur, ça. Presque. Encore mieux que ça. Un président de club ? Tout à c'est fait. C'est pas Jean-Mi, Jean-Michel Aulas ? Bien sûr, c'est le roi de la twittosphère. C'est clair, c'est le roi de tout à fait. Jean-Mimi, c'est le deuxième point pour Dondé. Mais j'ai envie de dire, mon cher Camus, à un moment, il faut tirer au but, sinon ça sert à rien. C'est comme danser avec sa sœur. Paf ! Là, on a une punchline. Oh on là a là une là punchline là. Qui est lancée. Là, on facile. Va vous demander de la répéter, mon cher Dondé. C'est facile. On ralentit ou... On ralentit, s'il vous plaît. Mais j'ai envie de dire, mon cher Latin, à un moment, il faut tirer au but, sinon c'est comme danser avec sa sœur, ça sert à rien. Alors déjà, vous m'appelez d'un prénom qui n'est pas le mien. Tout à fait. Je ne comprends pas très bien, donc ça doit s'adresser à moi. C'est du cher Camoun. Alors pour vous la faire concise, je n'ai pas de sœur. Alors là, il va falloir juger maintenant. Est-ce que la réponse punchlinée de Jean 2 est-elle à la hauteur de l'attaque de Dondé ? Sur le plateau, les avis sont partagés, mon cher coach. Je dirais qu'il a quand même un peu séché les récréations dans les cours d'école. Et ça s'entend. Hein. Bon, le coach, je crois, donne son point à Dondé. Brett, coach, Doc, Esther. Tu vas avoir ton petit punch. Ouais, on peut voter par une punchline. Évidemment. Parce que moi, je dirais que Jean 2, que pour gagner, il faut savoir perdre. Paf, deuxième punchline dans la tête pour Jean 2, deuxième possibilité de réponse. Alors là, vous prenez le problème dans le mauvais sens, mon cher Brett. Je vous rappelle qu'il n'y a que quatre côtés à un terrain de foot. Et voilà, ça c'est une punchline de défense, effectivement. Ça fume. Esther, c'est à vous de départager. Esther ou Doc ? Doc, vous avez bien sûr tout entendu. Je pense que la réponse, la deuxième réponse de Jean 2 a complètement écrasé sa première réponse. Donc là, il s'en sort vraiment merveilleusement bien. On a envie que ça continue, mais voilà, ça ne peut pas rester uniquement entre vous deux. Quoi, là. Mais bon, ouais. ça chauffe. Quoi, ce qui est pas mal, c'est que ça veut dire que c'est Dondé qui boit. Donc, c'est Dondé qui boit. Docteur, vous allez avoir la lourde c'est décision dingue. De donner comme le vainqueur ça, de ce duel. Ça va pas donner envie de lancer des punchlines. Hein. Alors là, je pense que... Tout le monde va se calmer derrière ça. Docteur ? Oui, je vous avoue que je suis un peu noyé par temps de répartie. Moi, je suis dans mon garage, donc voilà, oui, il fait 5 degrés, à plaide pour les genoux. Je suis par ailleurs connecté au site Twitter, que oui. Je découvre à cette occasion. Mm-hmm. Voilà, hashtag DBDGR, si je l'en crois, cette chère Esther. Et je n'arrive pas à grand chose. Alors peut-être y aurait-il des précisions, peut-être faut-il se connecter Sans doute qu'il faut créer un compte, cher Doc, oui. Ah, peut-être vous faut-il vous-même posséder un compte Twitter, alors peut-être, pour être un follower. Vous pourriez nous follower ainsi. D'accord, très bien. Vous avez pas de compte Twitter, docteur ? Non, je... Vous avez encore, un plaid, mais pas de compte Twitter. Voilà, exactement. Ça sent la punchline. J'ai un téléphone fixe. Il y a quelques difficultés, donc je vous entends très très très mal, mais l'important est que vous m'entendiez bien. On vous entend plutôt oui. Correctement. Il y a quand même un peu des huîtres sur la ligne, mais on vous entend aussi. C'est une punchline. Est-ce qu'il s'agissait là d'une punchline, coach? Alors, a priori non. Est-ce que quand on accuse de punchline une punchline qui n'est pas une punchline, est-ce qu'on punch? Très juste. C'est à moi que ça s'adresse, ça, mon cher coach. J'ai envie de vous dire, il faudrait pas faire le coq avant d'avoir pondu, si vous voyez ce que je veux dire. Ouh, elle est belle. Nouvelle attaque, donc punchline magnifiquement sous de Manu à l'égard du coach, je crois. Ben, je crois qu'il m'avait punchliné en premier. Hein. Ah. Il faudrait me la refaire au ralenti, s'il vous plaît. Alors moi, je vous ai répondu, faudrait pas faire le coq avant d'avoir pondu, si vous voyez ce que je veux dire. C'est dur. Bon, en tout cas, en attendant que vous puissiez répondre, mon cher coach, je crois que le résultat de la première... C'est-à-dire que mon silence, hein, plus que silencieux, est une réponse qui veut tout dire. Plus que responsable. Alors, très bien, il faut mettre fin à ces deux premiers duels de punchline, ouais, je crois. Il faut donner des vaincus, des gens qui vont boire un coup. Moi, je pense qu'Esther est vraiment la mieux placée ce soir. Je ne répondrai que par une minute de silence. Voilà. En l'honneur de votre décès. Oh, ouh là là, oui. Ça va du lourd. Donnons, attribuons les. Je crois que Dundee, vous devez boire un jeu de punch. Voilà, dans ça, votre j'ai premier compris pourquoi, mais c'est l'effet de bonbon, quoi. Allez, je bois une petite lampée pour vous. Je crois que je l'ai mérité un petit peu. Très bien. Quant à nous, coach, on peut trinquer, peut-être, pour enterrer la hache de guerre, éventuellement. Le hashtag de guerre. Le hashtag de guerre, parfait. Et puis, on va quand même ça poursuivre le tweet au quiz de mon cher Jean 2. Absolument. Avec grand plaisir. Vous nous faites un petit rappel des scores ? Des scores. Alors, je crois que, mon cher Manuel, vous êtes en tête. Ah non, autant pour moi, c'est Dundee qui est en oui, tête. Oui, mais vous avez attribué à Dundee un point qui était à Manuel, je tiens à préciser. Oui. Vous m'avez vu cocher au mauvais endroit ? Oui, oui. Ouais. Il y a l'honnêteté m'oblige à dire que je n'ai qu'un point. Ah oui, alors c'est bien ce qui me semblait. Ma mémoire est meilleure que mes petits traits, vous voyez. Donc, ce que je propose, c'est pour régler l'affaire, vous me le donniez à moi, comme ça, il y a plus de soucis. C'est vrai que pour l'instant, aucune bonne réponse, mon cher coach. Allez, encore une belle. Qui répond de la sorte à Pierre Ménez ? Je ne suis pas sûr que tu puisses parler foot. Il est temps que tu te taises et peut-être de manger un peu de salade. Patrice Evra. Non. Mathieu Valbuena ? Non, ça a dû être traduit pour vous aider. C'est une traduction, je pense, de l'anglais au français. Zlatan Ibrahimovic ? Non. C'est un joueur de foot qui a exercé le championnat de France ? Oui. Qui est dans un très grand club. Très grand club. Bah, c'est Joey Barton, quoi. Je suis désolé. Hein. Eh bah oui. Le très grand club, ça m'a mis sur la voie. En répondant à Joey Barton à chaque fois, je pense que vous allez pouvoir marquer un certain nombre de quoi. Oui. Alors j'ai envie de dire, mon cher Camoun, à un moment, il faut tirer au but. Sinon, c'est comme danser avec sa sœur, ça sert à rien. Alors là, voilà une nouvelle à répondre. Une nouvelle punchline en direction. Je veux dire, c'est Camoun. Là, vraiment, c'est comme le muscadet, quoi. Non, c'est vrai qu'on peut se saouler avec, mais on peut aussi se faire plaisir. Tout n'est pas si rose dans la vie, comme dirait Frédéric Dard. Oui, très bien. Oui, comme dirait le Parti Socialiste aussi. Alors, c'était une nouvelle punchline, en fait. C'était une nouvelle punchline, mais à l'adresse de la vie. D'accord. Et oui. Et la réponse à la punchline qui n'en était pas une était très bien aussi. Oui, comme tout à fait. Le Parti Socialiste aussi, mais j'ai trouvé que c'était très bien. Je pense qu'il va falloir boire de nouveau un verre, mon cher Dundee. Comme on dit dans le foot, il y a un match dans le match qui est en train de se passer. Ouais. Tout à fait. Mon cher Dundee, ce soir, vous avez du cœur, mais vous manquez certainement d'un peu de piquant et de noblesse. Sans doute, vous faudrait-il être un peu plus Dundee-Yego ou Dundee-Yeg. Excusez-moi, mon cher coach, je me permets d'intervenir, mais vous laissez aller à ce soir à quelques mots faciles. On peut même parler de coach surfing. Merci, cher Camoun, d'avoir pris ma défense. Donc, je ne sais plus où on en est, là, par rapport à ces punchlines. Bah là, ça fuse. Ça fuse dans tous les sens. Vous avez subi une attaque, mon cher Dolby. Tout à fait. Qui n'était pas très fusée, mais... Mais je n'ai pas bien compris, à vrai dire, l'accent espagnol du coach. Moi non plus, je n'ai pas très bien compris. Et terrifiant. Dundee, ce soir, vous avez du cœur, mais vous manquez certainement d'un peu de piquant et de noblesse. Sans doute, vous faudrait-il être un peu plus Dundee-Yego ou Dundee-Yeg. Eh bien, écoutez, je vous conseille de délaisser mon béliard pour goûter le chorizo, pour mettre un peu de piquant dans votre voix, vous-même, cher coach. Bam. Alors là, oui, je crois que, selon moi, hein, après, il faudrait voir avec vous, mon cher Brett. A priori, la punchline de défense, c'était à la hauteur, selon moi, hein, toujours. Oui, et puis sous le coup de l'improvisation, c'était quand même... c'était pas mal. Elle était à la hauteur. Coach, il va vous falloir boire un petit verre, je crois. Oh non. Ouais, certainement. Oh mince. Alors si on poursuit pendant ce temps-là sur le sommaire de l'émission, il était prévu par exemple d'écouter un petit morceau de musique à ce moment-là. Je ne sais pas ce que vous nous avez préparé, mon cher Brett, pour l'occasion. Oh, j'ai été la petite main du coach, comme souvent lorsqu'il s'agit de musique. Donc j'ai un morceau sous le coude qui s'appelle Cazoul. Le groupe et la chanson s'appelle Allumer le feu. Alors, oui, alors la Cazoul, c'est un chanteur français, en fait, de variété très très connu, qui est finalement le fer de lance du courant qu'on appelle le bon tant pis béarnais. Allez, bah, je propose qu'on écoute ça. À l'orage, je venirai à l'état sauvage, forcer les portes, les barrages, sortir le loup de sa cage, sentir le vent qui se déchaîne, battre le sang dans nos veines, monter le son des guitares et le bruit des motos qui démarrent. Il suffira de l'été, d'un rien, d'un geste, il suffira d'une tête et d'un mot d'amour pour allumer le feu, allumer le feu et faire danser les diables et les dieux. La flamme dans vos yeux, allumez le feu. Laissez derrière toutes nos peines, nos haches de guerre, nos problèmes, se libérer de nos chaînes. Lâchez le lion dans l'arène. Je veux la foudre et l'éclair, l'odeur de poudre, le tonnerre. Je veux la fête et les rires. Je veux la foule en délire. Il suffira d'une étincelle, d'un rien, d'un contact. Il suffira d'une étincelle, d'un peu de jour. Les diables et les dieux. Allumez le feu, allumez le feu et vois grandir la flamme d'un bon Dieu. Allumez le feu. D'un contact, il suffira d'une étincelle, d'un peu d'amour. Bah, c'était vraiment parfait ce petit morceau de votre sélection, mon cher Cool. Ça colle parfaitement au thème Twittos, punchline et voix de merde. Voilà, ça colle parfaitement au dernier thème. C'était Paul Prébois. Alors, Paul Prébois, c'est une proposition du doc, on entend. C'est un blind test. Si je comprends bien le principe de l'émission, je réclame un point. Alors, vous marquez bien évidemment un point pour votre intervention. Mon cher docteur, tout se passe bien de votre côté? Alors je vous avis, je vous avoue même être victime de légères enjolures au bout des pieds. Oui. Donc je souhaiterais peut-être prendre la parole. Vous gelez. Bah, dites-le franchement. Vous souhaitez prendre la parole afin de rentrer dans votre salon un peu plus tard, c'est ça? rapidement. Rapidement. Ouais. Bon, bah écoutez, on va vous donner la parole. Alors, on souhaitait donner la parole à Esther et savoir ce qui se passait un petit peu sur la twittosphère de Bâton Rouge. Mais on va vous donner la parole tout de suite. Bien sûr que si, on va le faire. Et on vous écoute pour votre traditionnel, parce que Esther acquiesce de l'autre côté de la vitre. Donc, on vous écoute pour votre traditionnelle chronique, mon cher docteur. Merci beaucoup. Alors, je n'avais pas bien compris le sens de cette émission. Voilà, et ce n'est que progressivement que j'essaie de m'y mettre. Donc, ma chronique est un petit peu déplacée. Steven Johnson et Boris Gérard. Pour l'amateur de Babel, la semaine qui vient de s'écouler n'a pas été exempte de son petit tsunami, de sa brève montée des eaux, des quelques gouttes iodées que notre coutumière avarice aurait bien laissé sécher sur notre glabre mais saillante pommette. Les événements, tellement d'autres, de remontent dans cette Europe que l'on ne devrait finir de ne pas regretter. Non, Steven Boris et Gérard Johnson ne sont pas le premier couple homosexuel binational marié à la hâte par un général de Gaulle tentant comme un coup de chinook plané sur la tête. Steven Johnson et Boris Gérard ne sont pas des pseudonymes d'insaisissables djihadistes roués aux joutes de la cybercommunication et jouant de la tardive conversion au chiisme d'un lointain homonyme maître de ballet couronné au palais des papes en 1967 et 1968. Boris Gérard. Conanie, Steven Gérard et Boris Johnson font tout aux figures de guignols, de pince-mi et de pince-moi partant à l'aventure sur un iceberg à la dérive, lointain souvenir, datant d'avant la fin des glaces où l'Angleterre dominait les océans. Pis encore, alors que les deux bonhommes s'inscrivent dans le filon-filon de l'ultra-fidélité à leur patrie, à leur cause, le premier s'est déjà exilé il y a quelques années au Los Angeles Galaxy, quand le second mène désormais à la baguette le passage de la perfidation sous les fourches codines de Bruxelles. Voici deux figures emblématiques de la noblesse du sentiment d'allégeance, deux tueries ferraires de la fidélité pourtant fondée sur un large malentendu, lumineuse illustration du traitement médiatique de la médiocrité la plus criante et fond rouge oblige la plus criarde aussi. Ainsi, Steven Gerrard pesait-il déjà mineur en tenue d'Everton, lui, le plus illustre des joueurs du FC Liverpool depuis Robbie Fowler, lui le héros de la Ligue des Champions 2005, mais lui aussi, qui bien que ne devant jamais marcher tout seul et chouette à ramener le titre national dans l'antre d'Anfield Road. Quant à Boris Johnson, ses deux mandats de maire de Londres n'ont été marqués par aucune autre mesure d'envergure que l'interdiction de la consommation d'alcool dans les transports publics. Monsieur Boris Johnson, figure de proue de l'ubérisation rampante qui t'évitait l'arrivée en gare de Waterloo, réservant par là même le droit à la débauche aux seuls bien-nés à ceux de sa classe. Privant ainsi nos anciens compatriotes du peuple européen de leur dernière pinte en aluminium, avant même que minuit ne sonne, au deuxième étage d'un bus rouge, déchinant à contrevenir aux règles de la bonne conduite à droite. Pourquoi, me direz-vous, chers auditeurs, croiser ces itinéraires que rien ne rassemble, ni le domaine d'activité, ni la formation scolaire, encore moins l'origine sociale, si ce n'est que nous voilà confrontés à de la sacrée graine de roast beef. En effet, cher Doc, ne sacrifieriez-vous pas un populisme de circonstances maintes fois dénoncé en vous attachant à ces deux figures de proue de la dérive des continents, avec pour preuve la naissance de Boris Johnson en 1964 à New York, ce qui rend possible, si ce n'est entente, la succession de Donald Trump, ou la retraite sportive de l'ancienne icône de la Mersey en compagnie d'Ashley Cole et de Robbie Keane sur les côtes californiennes. Alors oui, te chasser croisé n'est-il qu'un pâle copier-coller de l'actualité outre-Manche, mal traduit, mal digéré surtout, et vomi ici sous la forme d'une pelote de déjection que l'on écarterait promptement du pied si l'on ne voyait pas Union Jack scintiller ça et là sous la maigre pellicule de bave du Didoc. Pour les quelques têtes en l'air qui n'auraient oublié, je suis né un soir de réveillon 1980, il est utile ici de préciser que l'ami Steven Gerrard, lui aussi venu au monde en 7 ans de grâce du crépuscule giscardien, est mon aîné de quelques mois. La disparition des terrains Steven Gerrard signifie probablement que, mis à part en Gaulle cisalpine que je n'évoquerai pas ici, les prochains sportifs de haut niveau seront tous des jeunes cons. En tout cas des individus que je mépriserai encore davantage que par le passé, ce qui ne serait pas sans rappeler un certain Boris Johnson, dont l'ignominieuse condescendance s'arrête pourtant là où s'ouvrent béantes les portes du vestiaire. Vous comprendrez mieux, ce chassé croisé, en m'imaginant en compagnie de Steven Gerrard, car nous n'allons pas laisser notre agneau seul trop longtemps, briguer un quelconque Marocain ministériel, renvoyant par là même le dénommé Boris Johnson au stade quasi fécal qu'il semble désormais affectionner, celui de fouminer Cabias donc. Boris Johnson n'a en effet que 52 ans, malgré cette incroyable binette de poivreau. Pour ne pas s'échouer lamentablement en Strauss-Kahn de la City, il est évidemment temps pour lui de raccrocher les gants d'une politique sans foi ni choi. Quitte à chausser les crampons, ce qu'affectionne notre homme, ourdi aux caresses de la caméra. Pour autant, la brute sommeillant dans cette carcasse de Tory n'attend rien de moins que les confrontations physiques viriles pour s'exprimer. C'est ainsi que lors de sa dernière sortie sur les pelouses, Boris Johnson, que l'on soupçonne d'avoisiner le quintal, en est allé percuter violemment un japonais de 10 ans venu jouer à la baballe avec lui. Triste comeback pour ce repenti des gazons qui plaquait déjà en 2006 sans vergogne un joueur allemand lors d'une rencontre de charité. Certes, le flic de l'homme tient un Klaus Kinski ou d'un Gérard Depardieu, mais la scène sur laquelle il s'agite ne peut faire glousser qu'à l'heure de la télé-réalité. Pour ce type de fichérilité dégénérative, on ne peut que conseiller à Sir Johnston d'aller taper ses crampons au Parlement de Mordovie. Il saura y reconnaître des congénères de sa Trump, Donald, vous entendez. Quant à nous, mon cher Steven, je crois qu'avec ce prénom-là et arguant du fait que les îles devraient dans le futur n'appartenir qu'aux Iliens, je vous propose d'entamer notre carrière politique modestement par un ticket pour Bastia, Ajaccio, voire Saint-Pierre. Merci. Merci beaucoup, cher docteur. On vous applaudit ici sur le plateau marseillais de Radio Galère, 88.4. Alors c'était une chronique, somme toute, un peu décalée par rapport au sujet, mais qui était, je crois, très punchy. Merci, merci. Je ne savais pas ce que vous voulez punchline, à vrai dire. Bon, ben voilà, nous le découvrons, un certain nombre d'entre nous le découvrent hein, ce soir, comme vous avez pu... Vous en rendre compte, qu'est-ce qu'on fait? On se quitte ce soir à ce moment-là, mon cher Doc, ou est-ce que vous restez encore un petit peu avec nous? Peut-être parce que la connexion est très mauvaise. Alors on va se dire au revoir, mais à très bientôt. À très bientôt, cher docteur. Merci Doc. Salut Doc. Ciao. Alors mon cher Brett, si on continue cette émission en suivant ce déroulé, il faut maintenant s'adresser à Puncherella, aka Esther Salmona, qui tweet beaucoup depuis le début de cette émission. Oui, oui, tout à fait, elle est à mes côtés et c'est vrai que c'est une véritable machine à tweet. Tout à côté de moi, le clavier fume. Et alors, moi, n'y connaissant rien, je ne saurais même pas quelle question poser, mais qu'en est-il de la tweetosphère, peut-être, Poncharella? Eh bien, effectivement, ça chauffe. Alors, ce qui est intéressant avec Twitter, c'est qu'il y a une limite de 140 signes. Donc, moi, direct, je vais jusqu'au bout. Je remplis le champ de façon vraiment... Voilà, essayer de créer une espèce de sens. Donc, je vais peut-être. Alors, je sais pas, c'est des punchlines, mais. Quand vous dites que vous allez jusqu'au bout, c'est que vous interrompez vos phrases à 240 signes pour ensuite les poursuivre sur un autre tweet. Alors, c'est 140, peut-être que je me suis mal exprimé. Ah, ou 140 alors, signes. Je crois que c'est Dundee qui a mal entendu. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est possible. Merci, je ne prends pas ça pour une punchline, non. Je vous rassure. C'était un doublon, c'est une double. Alors je n'interromps pas ma phrase, mais j'écris de façon à ce que il y ait quand même du sens. Voilà, c'est pas un mot qui est interrompu. D'accord. Voilà, il n'y a pas cet effet-là, en tout cas. Donc je vais procéder à une petite lecture et je suis à peu près persuadée qu'en procédant à cette lecture, je vais prêter le flanc à une punchline. Donc je me livre comme ça. Nous sommes aux abois. Courage. Et, je pense que beaucoup attendent de vous punchliner. Ok, on y va. Alors, les cheveux tiennent, raies comme sillon, rapport au vent, prise au vent, la voix change, sa voix, combien de gel, Inter, Milan, Fiorentina, à mi-temps. On va falloir que pour le moment, on est bien gentil, mais attends, ça va s'échauffer, ça va chauffer. Pour le moment, on s'explique, on se prépare. Préparation liquide à écouter, à prendre la voix, alors de merde, voix de merde, comment son grain et son timbre quand émotion, voix, cri, écoute. Au bout de toutes ces lectures, au lieu du jardin et de la baie vitrée, comment et puis sa chante, rugosité, mélancolie seule. Là, tout se concentre, dans le sinus frontal, gauche, droit, aquilin, pas possible autrement que brun, visage étroit, tout part par le haut, son cri. La mâchoire prend le relais, retrait vers la colonne, la moelle, mais ce ventre mou, mais prends-toi ça dans les dents, là, Pierre Belmar, sort de ce corps. Pour l'instant, j'en suis là, je continue. Je sens que... Merci, cher Esther. J'ai eu l'impression que si vous êtes aussi habile du pied droit que vous l'êtes du tweet, il ne doit pas y avoir beaucoup de pieds au cul qui se perdent à la maison. Pas mal au niveau de l'anatomie, c'était comme un coup de tête finalement. Mais bon, moi, ce soir, je suis en direct, quoi. Je suis en ligne, donc ben, je vais peut-être vous en mettre plein la tronche. Puis comme je suis la plus maline, ben, je vais peut-être siffler toute la ligne de punch. Ouais, je crois que je vais boire un coup de punch. Et il y coupe presto. Coup. Alors un tweet, c'est bien, mais deux tweets, ça coupe la fin, non? Ben, je pense que j'ai largement dépassé le nombre autorisé, donc la tête vous tourne peut-être. Allez, je bois un coup aussi, pour le plaisir. Coach, qu'est-ce que vous pensez de cette émission pour l'instant? Voilà. La vie empruntée au football, au moins une chose, c'est quand t'es bon, tu peux la mettre au fond. C'est, ça m'est adressé à moi. Allez, ça. Oui. C'est... Alors, moi, vous êtes une cible facile ce soir, Manuel. Moi, j'ai l'impression, mon cher coach, que le résultat de cette punchline est un peu couchi-coucha. voilà ma réponse. Non, voilà. Quand on n'a pas le droit de punchliner sur la punchline, on mm-hmm. est marié en fait. Voilà. Mais je propose au coach de trinquer une nouvelle fois à ce duel qui vient d'avoir vrai. Lieu et de passer au match. J'interromps, c'est magnifique. Depuis la 63e minute, la Fiorentina qui est revenue au score à 3-2 seulement. Il reste 10 minutes à Giuseppe Meazza et là c'est très très chaud sur les cages des interistes. Le gardien qui vient de sortir une belle claquette là pour repousser les assauts de la Viola. Le coach qui va procéder à quelques changements, là, c'est un peu le feu en ce moment dans la défense interiste. 3-2 pour l'Inter, alors qu'il menait 3-0 après 20 minutes de jeu. Et là, nous sommes à 10 minutes de la fin du match et c'est très très chaud. C'est une fin de match haletante. La Fiorentina qui pourtant a reçu un carton rouge, mais à 10 contre 11 ne se laisse vraiment pas abattre et donne tout ce qu'ils ont dans la bataille. Et dans les derniers instants, ça nous promet une fin de match haletante. Je n'hésiterai pas à venir vers vous si... égalisation, il y a. Mais bien sûr, mon cher Jean 2, la parole va vous revenir, mon bon Dondé, puisque nous allons de nouveau parler des voix de merde, oui. En dehors des nôtres, hein, probablement, qui sont certainement particulières, elles aussi. Si la technique est prête, vous avez vous-même voulu nous parler d'une belle voix de merde. Une belle voix de merde. Alors on peut peut-être écouter le son dans un premier temps, effectivement. Là, donc j'ai choisi une voix de merde. C'est celle de Jean Tigana. Mm-hmm. C'est pas compliqué à expliquer du moment qu'on se remémore un petit peu le non-timbre de voix de Jean Tigana qui a la gorge un peu courte. Je pense. Il y a un paquet d'émotions, de mots, de lettres qui doivent rester bloqués dans la trachée du Jean Tigana. Ce qui fait qu'on a une difficulté à la fois pour le comprendre, littéralement, mais aussi pour saisir le bonhomme, en fait. Il y a une sorte de carapace vocale, en fait, qui s'installe du moment que Jean Tigana prend la parole. Alors, c'est vrai que... on va écouter le son, mais j'en profite puisque je suis lancé. La voix de Jean Tigana, elle me fait penser à celle de Hugo Lain dans Jean de Florette, ou Manon des Sources. Et en fait, bon, il faut savoir que Jean Tigana, il est né au Congo, mais il vient très vite à Marseille. À l'âge de 3 ans, il s'installe au Cayole avec sa famille. Donc, il a un accent marseillais très prononcé, mais c'est l'accent marseillais peut-être de le plus proche de la terre, l'accent sec, l'accent desséché, asséché, celui qui est à la recherche... Celui de la garrigue, peut-être. Celui de la garrigue, celui qui est à la recherche de la source. C'est pour ça que ça me fait penser un petit peu à Hugo Lain, parce qu'on a l'impression d'une voix comme ça qui en manque d'eau. Très, très sèche, comme ça. Je vous propose d'écouter la voix de Jean Tigana, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, je m'appelle Jean Tigana, je suis né le 23 juin 1955 à Bamako. Et cet accent méridional traduit quand même que vous êtes venu en France très jeune? Oui, je suis arrivé à l'âge de 3 ans à Marseille. C'est vrai que j'ai toujours vécu à Marseille. Je suis plutôt marseillais que malien. La carrière de footballeur professionnel, comment? Ça a débuté à Toulon pendant 3 ans. Et après, je suis venu faire un essai ici et c'était concluant. C'est vrai que j'ai atterri à Lyon. On a dit aussi que Marseille était sur le coup? Oui, avec José Pusco-Blar, on a eu quelques contacts, mais ça n'a pas marché parce que, premièrement, je ne partais pas titulaire. Et deuxièmement, Marseille, ce n'est pas un club qui me plaisait. Moi, je le connaissais assez bien. Pour les jeunes, c'est difficile. Oui, il y a de bons joueurs. Hein. Les Haïtiens nous aident énormément, hein. Moralement, et techniquement sur le terrain, le placement et tout. Ils nous apportent beaucoup. Hein. Ce garçon qui est tout neuf, qui a encore quelques lacunes sur le plan technique et sur le plan tactique, donne sa pleine mesure. On continue un petit peu, je me permets d'introduire la deuxième voix de mer, que vous reconnaissez peut-être ici. Moi je ne connais rien encore à la première division, alors pour me juger, ça fait que 6 matchs, alors pour juger notre valeur exacte, je ne sais pas. Qui était celle d'Aimé Jacquet. On va écouter Aimé Jacquet dans un deuxième temps, mais la voix de Jean Tigana, quand c'était même, magnifique. Me laisse perplexe. Alors, il est jeune à l'époque, il a 22 ans, évidemment, une voix, ça évolue, ça mûrit, ça prend du souffle. Mais là, on a l'impression d'une personnalité très, très, très renfermée. Un petit garçon qui n'aurait pas encore fait sa mue, hein, personnellement. Ouais, et puis un côté, alors c'est rigolo quand on regarde les archives des footballeurs des années 60, 70, 80, dès qu'il y a un journaliste qui pose une question, ils sont tous la tête, le regard baissé vers leurs pieds, la voix, enfin ils ont des réponses hyper brèves, ils n'ont pas du tout la maîtrise de ce média-là, et donc je pense qu'il y a aussi de cet ordre-là. Quoi. Ouais, une interview étonnante. Ouais. Très, très, très, très belle. Et la deuxième, donc une vraie, on peut le dire, je pense, une voix de merde, quoi. À l'époque, une des plus belles voix de merde aussi du club français. Deuxième voix, alors là, une voix qui in fine, a porté celle d'Aimé Jacquet. Des publicitaires, donc, pour des brioches, des pains, parlent d'une voix méga croustille, d'une moelleur, d'une moulesse, comme ça. C'est vrai qu'elle est assez chaleureuse, la voix d'Aimé Jacquet. Mais elle est aussi tout à fait incertaine, en fait. Il y a un vrai côté voix de merde à la voix d'Aimé Jacquet, c'est qu'on a l'impression qu'il n'avait pas fini sa mue, en fait, l'Aimé. Il n'avait pas encore assez musclé ses cordes vocales. Il n'avait pas assez musclé ses cordes vocales. Donc je vous propose d'écouter très rapidement un extrait. Donc c'est Aimé Jacquet qui fait la promotion d'une ville pour l'attribution des Jeux Olympiques d'hiver. Donc ce n'est pas Tigana 2, non, c'est Aimé Jacquet. Aimé Jacquet sur le bureau, sous le avec A, un petit cône. Voilà, sous le A de, un petit cône, voilà. Paf. Alors la première personne qui parle, c'est pas lui, c'est une interpellation, évidemment. C'est sympa, en tout cas, le début, le cadre. C'est champêtre, comme toujours avec Jacquet, quoi. Bonjour monsieur, police nationale. Ah, monsieur Jacquet, encore vous, je vous l'ai déjà dit, c'est interdit ici, c'est un lieu public. Mais je m'en fous. C'est interdit de vouloir les Jeux Olympiques à Annecy. Vous ne voulez pas gagner. Vous avez peur, c'est ça. C'est pas comme ça qu'on va réussir. Et on va réussir, monsieur, tous ensemble, je vous le dis. Je vous le dis, moi. C'est immense. Voilà. Il faut savoir que c'est très, très, très belle voix. Très, très belle. Donc, Aimé Jacquet. Belle voix de merde. Aimé Jacquet est né dans le village de Seille sous Couzan. Il faut savoir que les habitants sont surnommés les Rossignols. Donc, c'est peut-être de là que lui vient. D'où les sifflets, quoi, du début. À la fois les sifflets. Qu'est-ce qu'il fait, en fait, sur ce spot? Le petit côté mélodieux, la mélopée de la voix, la modulation, la voix d'Aimé Jacquet. Il y a aussi un jeu d'acteur dans ce spot publicitaire. Il est avec son vélo ou quoi? On entend un peu des roues, on ne sait pas. Il bricole. Il est en train de faire une ligne blanche à la chaud, là, vous savez. Il a repris, il pousse comme ça. Là. Il est sur un terrain, sur une pelouse, en fait. Voilà. C'est d'une violence anti-État sans nom, là. Je veux dire, il nique la police. Complètement. En direct. C'est incroyable. Il a toujours eu un petit côté. C'est ça qui est ambigu avec Jacquet, c'est qu'il a à la fois le côté bidas et le côté anard, quoi. J'ai toujours cru que c'était un éducateur social, et là, les bras m'en tombent. Hein. Mais ça, c'est quelle année, du coup, là? On est dans les. Voilà, ça doit être 2012, 13, quoi. Il sort sa fameuse Vous avez peur de gagner. Ouais. Ben c'est à l'époque où Annecy était candidate pour l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver 2018. Ça, faudrait avoir un souvenir de ça. J'attire votre attention sur le fait que c'est un des clips de campagne. qu'on n'a juste pas du tout envie de suivre la candidature d'Annecy quand on écoute Aimé Jacquet. Esther, un petit tweet peut-être, un petit nouveau tweet. Bah là, j'en ai peut-être quatre. C'est court, je peux... Allons-y. Toujours le même principe, 140 signes. L'adresse s'éclate, se diffracte, la cage fond, le pied est une claque, la tête est au pied, le corps se replie, cela peut s'acharner encore vite. Si t'as les gants, tu rentres dans la voie. L'accent serait comme issu de la terre, l'accent de la recherche de la source sans eau du calcaire. Une modestie, quelque chose rentre, il rit en respirant, il respire en s'excusant, l'accent ici est chantournement, il sourit dedans, elle traîne. Finir les mots en mâchoire chevaline sans conviction mais souffle interne ou par le coup modulation 30% de pente, placement régulier des dents, c'était Aimé Jacquet. Alors Brett, ce qu'on peut proposer à nos auditeurs avant d'écouter la croquine du coach, c'est peut-être une petite pause musicale si on est prêt en régie. En régie, on est béton. Bon. On a ce que vous voulez. Oui, bah, il faut que je repasse par le coach une nouvelle fois. Je suis navré, coach, de vous sortir de votre silence. Qui n'est autre qu'une punchline en continu. Mais quel est ce groupe que vous nous avez préparé? C'est un groupe qui s'appelle Moog Cookbook, donc avec ce joli nom plein de houx et de hibou. C'est voilà, qui fait tout un ensemble de reprises en utilisant un maximum un vieux synthétiseur Moog. Allez, ben on écoute. Thank you. C'était donc les charmants amis de Moog Cookbook. C'est la sélection musicale du coach ce soir. On va entendre très bientôt la croquine du coach. Mais avant tout ça, on va retourner au stade avec vous, mon cher Jean 2. Ça chauffe, c'est la fin de ce match entre l'Inter et la Fiorentina. Et oui, c'est une fin de match complètement folle. Alors que la Viola pouvait espérer une égalisation de fin de partie. Et finalement, c'est sur un contre assassin que les interistes ont marqué un quatrième but. À nouveau par l'intervention de Mauro Icardi qui décidément fait un très grand match. Lui qu'on a annoncé en difficulté là au mercato d'hiver et qui finalement va peut-être recevoir les louanges de son coach et de son président. Nouveau président, je le rappelle, indonésien depuis 2013. Et bien l'Inter qui fait une fort belle opération là dans cette journée du calcio où on le rappelle la Juventus est tombée et donc ça se resserre. Les intéristes qui vont peut-être remonter dans la première moitié de tableau après cette belle victoire. Et qui peuvent peut-être espérer de meilleures heures maintenant, après une belle victoire pareille. 4-2, on le répète, avec des très beaux buts. Des beaux buts qui sont venus de coups francs, de corners. Et là, le dernier, d'une belle contre-attaque, fort bien Est-ce qu'il y a eu des poteaux ou des barres transversales? Tout à fait, oui. Tout à fait. La Fiorentina qui a tapé deux fois sur les poteaux. Et le gardien intériste aussi qui a fait de magnifiques arrêts. Ce qui vaut, voilà, malheureusement, le dieu du foot a choisi son vainqueur ce soir, ce sera l'Inter de Milan. Et ça fait du bien à l'Inter de Milan, parce qu'ils sont quand même en grande difficulté en championnat, comme en Coupe d'Europe, éliminé tout récemment par une équipe toute pourrie, me semble-t-il. Tout à fait, l'Inter qui est déjà éliminé de la Coupe d'Europe après seulement 5 matchs. En poule, voilà. Ouais. Et qui là, dans le calcio, reviennent donc à la 9e place, à égalité de points avec leur adversaire du soir, la Fiorentina. Tous deux qui pointent quand même à 11 points de la vieille dame, mais seulement à 8 points du podium. Donc à cette période de la saison, tout est encore jouable. Tout est permis, je crois. Absolument. C'est d'autant plus une année pourrie que le Milan AC fait une bonne saison. Le Milan AC serait sur le podium, hein, je sont crois, deuxième. Mon cher coach. Oui, ils sont troisième ex aequo, voilà, oui. deuxième, troisième avec l'AS Roma. Juste à la différence de but, ils sont troisième. Alors Brett, ça tweet beaucoup à vos côtés. On entend les bouip-bouip du compte Twitter des bâtons d'Anguirou, mené de main de maître par Poncherella. Ça tweet sans cesse. Ça ne fait que tweeter. Mais c'est très bien. On en veut une petite salve, bien sûr. Une petite salve, là... Comme j'y vais. J'en ai juste une petite, mais peut-être aussi que je vais me prendre une punchline. C'est pas la taille qui compte. Bravo. Oulala. Parce qu'il y a des plis. Donc, plis, c'est la réalité. Fiction du match, raccroche de l'extérieur, vient en vocabulaire, l'autre voix émerge, basse, continue, absorbe les événements. Et c'est tout pour le moment. Mais c'est très beau. C'est décisif. Voilà. À ce moment-là de l'émission, ça fait du bien de l'écouter, en tout cas. Vous attendez plutôt à... Ah oui, vous vouliez qu'on vous adresse une punchline que... Moi, j'en ai malheureusement plus en stock à vous adresser, donc je suis bien, bien désolé. Je peux modifier mes punchlines, mais tout à l'heure. J'en garde un peu sous le coude pour la fin. Brett, on poursuit cette émission de quelle manière? Par vous-même, je pense, Manuel, qui allait peut-être parler de votre voix de merde à vous, puisque vous avez bien sûr choisi une voix de merde comme... Comme tout le monde. Vous n'avez pas une voix de merde, vous avez eu le loisir d'en choisir une, ce qui est quand même bien. Et vous avez choisi qui? Alors, j'ai choisi un joueur de foot un peu moins célèbre que ceux que vous avez choisis, mais j'ai été séduit par sa voix de merde. Il s'agit de Laurent Batless. Laurent Batless est un joueur qui a fait carrière dans de nombreux clubs du championnat de France. Il a été révélé à Toulouse, il est passé dans le club de la Gironde. C'est peut-être son erreur de parcours. Puis, une deuxième erreur de parcours, il est passé au Stade Rennais. Puis Bastia, puis bien sûr le grand Olympique de Marseille, avec qui il a atteint la finale de la Coupe d'Europe. Oui, grand joueur de l'OM. Grand joueur de l'OM, Laurent Batless. Grenoble et puis Saint-Etienne. Laurent Batless était un beau joueur de football, un beau joueur de première division. Qu'on l'assimilait un petit peu à Zinedine Zidane dans sa gestuelle et dans son physique aussi, mais bien sûr il n'en avait pas le niveau, il le reconnaît d'ailleurs assez humblement, hein. Vous allez entendre un petit peu sa voix de merde tout à l'heure, mais voilà, c'était un joueur assez technique qui voyait plutôt bien le jeu et qui faisait de belles passes. Voilà, moi j'avais pas mal de sympathie pour ce joueur de foot. Et alors on va entendre plusieurs extraits pour se rendre compte un petit peu du problème vocal de Laurent Batless. Et c'est pas d'emblée qu'on va révéler ce problème. Et on va voir dans la première le premier extrait que lors d'une interview, on sent qu'il maîtrise. Il maîtrise beaucoup sa voix. Il est un petit peu dans la retenue. Sans doute trop, et je pense que ça cache quelque chose. On sent que ce qu'il garde un petit peu comme Gentil Ghana au fond de la gorge, il y a un larynx qui est un peu trop resserré, donc il y a quelque chose qui est un peu contenu comme ça dans la gorge, et puis qui évidemment s'échappe un peu par le nez, puisqu'il faut bien que ça sorte quelque part, et tout ça est mêlé avec un accent du sud aussi un peu chantant. Donc on écoute cette première salve et on va voir toute la maîtrise de Lolo. Batless Laurent, 33 ans, milieu de terrain. Ouais, le Lolo, mais c'est pas un gros surnom, quoi. Mon meilleur souvenir, paradoxalement, c'est la défaite qu'on a eue en Coupe d'Europe contre Valence. Même si on a perdu, c'était extraordinaire les moments qu'on a vécu ensemble. Et une finale, surtout de Coupe de l'UEFA avec les supporters marseillais. C'était peut-être de ne pas avoir gagné un titre au jour d'aujourd'hui. Et de ne pas avoir eu l'opportunité, peut-être pas aussi le talent, de pouvoir porter le maillot de l'équipe de France. Alors voilà, on sent que Lolo se maîtrise, mais on sent aussi toute l'humilité. Hein, belle modestie. Je trouve aussi, qui est à l'image du parcours du joueur aussi, il a raison d'être modeste, mais c'était quand même, comme je le disais tout à l'heure, un beau joueur de foot. Simplement, même dans le cadre d'une interview, on va le voir avec ce deuxième extrait, quand on pose des questions à Laurent Batless qui sont un peu plus ludiques, un peu plus joyeuses ou de l'ordre du rêve, déjà on a un début de moins bien dans la maîtrise de la voix. Mario Kart. Mais c'est vrai que depuis qu'on essaye de jouer tous ensemble et on se régale, donc c'est pas vraiment culte en soi, mais c'est parce qu'au jour d'aujourd'hui on y joue pas mal et voilà. Si j'avais un super pouvoir, c'est de pouvoir voler. Comme les oiseaux, pouvoir faire ce qu'on veut, pouvoir, voilà. Alors voilà, on voit déjà que quand il s'agit de déconner un peu plus, Lolo révèle ce qu'il y a dans sa voix, révèle sans doute son problème. Et là, j'ai trouvé une petite... C'est avec quelle fonction de sa bouche qui fait ce bruit d'appareil photo là ? Alors ça, c'est très très étonnant, effectivement. Ce sont ses yeux qui clignent. Voilà, à chaque fois. À chaque fois que ses yeux clignent, on entend ce petit son de... Comme les oiseaux voilà. de ces îles. Brett, vous connaissez parfaitement ces petits oiseaux. Comment s'appelle-t-il ? En Nouvelle-Calédonie, quelque chose comme ça ? Qui ont la capacité de reproduire l'ensemble des bruits qu'ils entendent dans leur entourage. Les oiseaux du paradis, tout ça, c'est des choses comme ça, il me semble. Et alors, c'est assez sidérant, parce que du coup, depuis peu, le tourisme se développe dans le biotope, n'est-ce pas, de ces animaux-là. Et donc, avec des gens qui débarquent en prenant des photos. Et il se trouve qu'ils reproduisent à merveille ce bruit d'appareil. Plutôt dans la ménate, en fait. Laurent Batless, peut-être une réincarnation de ces oiseaux du paradis. Puisqu'il adorait voler, vous voyez le lien. Déjà un petit clin d'œil à Twitter qui n'existait peut-être pas déjà. Il a senti venir l'oiseau. Ah, c'est ça. Fait comme l'oiseau, aurait pu dire Laurent Batless. Alors, que cherche Laurent Batless à maîtriser dans sa voix ? C'est la question que je me suis posée. Et le deuxième extrait que je vous ai préparé va nous révéler une partie de la réponse. C'est un extrait qui est en fait un bêtisier réalisé à l'occasion du tournage d'une publicité d'un sponsor de l'AS Saint-Etienne. Et là, Lolo, il doit faire plusieurs choses. Il doit d'abord faire l'acteur, et là, on sent qu'il maîtrise encore un peu sa voix au moment où il doit faire l'acteur. Mais il doit aussi réagir à ses propres prises et aux rigolades des autres joueurs qui sont présents sur le tournage. Et puis enfin, il doit aussi un peu chambrer et rigoler au moment des prises des autres. Et là, c'est vraiment le grand début du relâchement pour Lolo. Attends, je me tourne, je l'ai déjà fait une fois. Regardez là-bas et retourne-toi. Qu'est-ce que tu fais ? Refais-le. Oh merde ! Faut que je me taise. Non mais c'est... Attends. C'est bon là ? Et qu'est-ce que tu fais ? Une dernière fois. Ah non, c'est bon, merde ! Je suis pas un acteur. Pour être sûr. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais relâche-toi un peu, t'as les mains sur les tirs. J'étais comme ça tout à l'heure. T'es pas là, tu fais pas une photo. Fais, Bien, bien. J'attends que tu me donnes le départ. Quand tu veux, quand tu veux, ça règle. Mais Sylvain, c'est quoi cette poussette? Impeccable. Ah, pour faire l'action du Sud. Ah, lui, il l'a fait qu'une fois, lui. Et moi, j'ai été 20 fois pour faire. Qu'est-ce que tu fais? C'est bon acteur. Détends-toi, tu promènes quelqu'un. Détends-toi. On dirait que t'es coincé. Tu promènes un truc, hein, t'es pas. Ah, ben, pardon. C'est un enfant. Oh, t'as une tête de carte. Allez, on commence. Allez. T'as la tête rectangulaire. Je vous dis la même chose. Je pouvais pas, franchement, pardon. 3, 2, 1. Ah ouais, elle est super mignonne. Ah, félicitations, elle a les mêmes yeux que toi. Elle est bronzée, hein. C'est bon ça, non? Mais elle est dorée. Ah, c'est pourri. Ah bon? Eh oui, non, c'est pourri, Lolo. Alors voilà, quand il se lâche complètement, il va aussi dans des blagues un petit peu pas terribles, mais ça arrive à tout le monde. Et on sent que ce problème, moi, que j'ai... trouver dans la voix de Lolo, ce sont les aigus. Voilà, à chaque fois qu'il part dans les aigus, effectivement, ça lâche de partout, ça pète dans tous les sens. Et quand il est en pleine décontraction, notamment lors d'un entraînement de foot, un petit jeu tout bête où il faut faire un concours de frappe au but sur des centres, bah là, Lolo, il pète un peu les câbles. Alors le son n'est pas très très bon puisqu'au premier plan, on a un peu plus le gardien de but, mais vous allez voir, on entend bien Lolo s'exprimer en arrière. Voilà, c'était la voix de merde de Laurent Batless. C'est peut-être pas la plus somptueuse ou la plus spectaculaire de la soirée, mais moi, elle m'a beaucoup plu. Mais oui, mais Manuel, comme vous dites, on sent qu'il se maîtrise par moments, mais en fait, dès qu'il a la décontraction, c'est sa gorge qui parle. Et c'est le moment où toute sa gorge se déploie que on sent bientôt que le... Voilà. Mais quand il sait la maîtriser un petit peu, il se reprend, mais dès qu'il se lâche, c'est la gorge qui parle. Et là, c'est le sud-ouest. C'est un espèce de Titi Goulayant. Un peu de ça. Ou... Ouais, ouais. Mmh. Non, c'est une belle voix de merde quand même. Je suis d'accord. En tout cas, c'est un joueur côté Maïté, quoi, pour terminer sur ça. Lequel c'est difficile de dire quoi, de comme tous les joueurs dont on a parlé ce soir qu'on pour lesquels on a beaucoup de sympathie. On n'a pas parlé de la voix de merde d'Eli Bob. On n'a pas parlé de la voix de merde d'Eli Bob qui est un peu je trouve qui est un peu semblable hein, avec celle de Laurent. Déjà dans les extraits sonores, il était quand même entouré de belles voix de merde. Ouais, aussi ouais. Tout à fait. Il y avait Joshua Guilavogui qui a une vraie belle voix de merde. Voilà. On a presque entendu Didier de chez Didier à un moment du dernier extrait là. Oui, Sauveur. De chez Sauveur. Didier de chez Sauveur qu'on salue. Bien évidemment, c'est un sans côté en plus que les journalistes posent habitants. Des questions de merde et que ouais, on leur fait jouer des merdes aussi. Et absolument. Que forcément, à force de vivre dans la merde. Il faut rétablir certaines vérités car si la vérité blesse, c'est la faute de la vérité, mon cher coach. Et là, tout dérape. C'était une punchline. Vous n'avez pas bien saisi. C'est qui a punchliné? C'est vous, J'ai dit au coach, mais c'était sans pour autant l'attaquer, hein, que si la vérité blesse, c'est la faute de la vérité. Et là, tout dérape. Voici la réponse du coach. Mmh. Propose de trinquer, mon cher coach, comme on le fait depuis le début de cette émission, pour valider un beau duel de punchline. Coach, vous allez avoir la parole, Brett, je crois, parce que c'est l'heure de la croquine. Et elle est prête, elle chauffe en régie, elle attend peut-être la petite introduction du coach, s'il veut dire quelques mots juste avant, ou si tout est empaqueté. Ou donc c'est un petit extrait hein, du prochain album donc du groupe de rap symphonique Sublime Bourtarum, donc un groupe de rap du 1-3, et dont le titre donc, c'est le Sublime BTR Réclame, et voilà, c'est bientôt dans les bacs. Vous êtes devenu maintenant très profondément relaxé. Très profondément relaxé. Au point que votre esprit est devenu très sensible, très réceptif à ce que je dis, au point que tout ce que vous recevrez dans votre esprit pénétrera très profondément dans la partie inconsciente de votre esprit et créera une impression très profonde et durable que rien ne pourra effacer. Mars et ça repart. SO, mettez un tigre dans votre moteur. Sanitol tout dans la maison. CUC, parce que le monde bouge. Candrel, ça ne change rien. Et c'est ça qui change tout. Pirelli, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Carglass répare, Carglass remplace. Champomy, sans alcool, la fête est plus folle. Paris Match, le poids des mots, le choc des photos. Soupline, ce qu'il y a de plus beau après une maman. Peut-on imaginer une fête sans Ferrero Rocher? McCain, c'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus. Heureusement qu'il y a fin d'us. Bordeaux, Chanel, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Le lave-linge dure plus longtemps avec Calgon. Cochonou, le bon saucisson comme on l'aime chez nous. L'Oréal, parce que je le vaux bien. Tout est dans Closer. Koukaï, je ne suis pas jolie, je suis pire. Banque Populaire, banque et populaire à la fois. C'est bien, c'est beau, c'est boche. C'est gars, c'est plus fort que toi. Feu vert, la patte de l'expert. PMU, on parie que vous allez gagner. Big fait, bien fait. Grand-mère sait faire du bon café. Canard VC, encore une victoire de canard. MM, zéro tracas, zéro blabla. Diesel, are you alive? Un Ricard sinon rien. Saint-Maclou, évidemment. France 98 fait 69 avec les ménagères. L'équipe nationale fait la loi des managers. La FFF travaille pour vendre des bouffes. Le coq est imprimé jusqu'à ce que ça chauffe. Un pour tous et trois pour le prix d'un. Chaque attaque sur le schéma des gradins. La dream team des épiciers de la VD veut conquérir le monde avec les pieds. Foot spectacle de la compète économique. Vu du banc, les joueurs font le peace bling. Yo, I was lost in the supermarketing. Sous couvert de prier, tu es le fric. Tous devenus stars de merde compétitive. Les vrais people ne disent jamais leur prix. Des salauds putains qui kiffent de faire envie. Portent avec fierté le maillot capitaliste. Et 1 et 2 et 3 zéros de plus sur le chèque. Roi du pétrole avec ma gueule de métèque. Les champions du monde, c'est tout ce qu'on aime. On gagne au loto comme on représente le système. Se lève tous pour Danette, Gerflor et hop, LCL. Demandez plus à votre argent. Président, parce qu'on ne plaisante pas avec le plaisir. Bonne maman, c'est toi que j'aime tant. Scorpio, le plus brûlant des parfums d'hommes. Amora, par amour du goût. Carte noire, un café nommé Désir. Vainet, c'est gonflé. Valdero, avec un V comme viande. Monsieur Meuble, c'est tout ce que madame aime. Ginny, la plus chaude des boissons froides. TF1, partageons des ondes positives. Saint-Ol, ça fait du bien là où ça fait mal. Donat, plutôt mourir que d'en perdre une miette. Zalando, hurler de plaisir. Des pâtes, oui mais des panzani. Jex Four, c'est extraordinaire. Choisissez bien, choisissez but. Pas de stress, y a point S. L'essentiel est dans l'actel. Castorama, c'est castoche. Oncle Benz, c'est toujours un succès. Avec Carrefour, jeu positive. Playmobil, en avant les histoires. Adol, les opticiens. Moulinex libère la femme. Vigor, y a pas plus fort. ANPE, notre métier. L'emploi. À quoi ça sert que du cross des carcasses? Les milieux font les bolosses dans des spots télé. Les défenseurs font des passes dans de la pub. Les attaquants font une jolie tête de gondole. Et les champouineux, ce sont toujours les gaules. Wesh, le footballeur du troisième millénaire. Promo home sandwich et hamburger. Consultants, prostituées et mercenaires. Chient leur camelote gonflée de leur salaire. Nouvelle pin-up de la surconsommation. Il déshabille la morale du sport. Pour nous exciter, pour nous aliéner hardcore. Effiler le beat vénère des stock options. Le mytho d'élite footballistique résonne comme une vocation politique. Réussir à tout prix sa putain d'intégration dans le schéma du foot et ses beaux millions. Rap en guerre, la caille comme si c'était mon frère. Se faire un nom droit au club des hommes d'affaires. Parce que la Ligue 1 c'est un ghetto de minables. Respect pour les princes et les experts comptables. Lyon. bouillon pour rugir de plaisir. La margarine, aussi bon cru que cuit qu'il eût cru. Crédit Lyonnais, le pouvoir de dire oui. Pep Citron, quand il y en a plus, il y en a encore. Fox, pas d'intox. Seb, c'est bien. Ricoré, l'ami du petit déjeuner. La paire, il n'y en a pas deux. Nesquik, on en a une énorme envie. Pampers, même mouillées, elles sont sèches. Dash, plus blanc que blanc. Les conserves, on a toujours besoin de petits pois chez soi. Volvic, un volcan, c'est un être s'éveille. Pierre Martinet, parfaitement intraitable. McDonald's, I'm a loving it. Nutella, chaque jour, c'est du bonheur à tartiner. SFR, carrément vous. Activia, ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Dax, plus t'en mets, plus t'en as. Nespresso, what else? Adidas, la victoire est en nous. Coca-Cola, cette sensation s'appelle Coke. Gillette, la perfection au masculin. Mercurochrome, le pansement des héros. Menem, pour nous les hommes. Couille, nous, c'est le goût. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Air France, gagner le cœur du monde. Banania, il y a bon. Naki Balls, c'est bon d'avoir les boules. Hugo Boss, n'imitez pas, innovez. Connais le petit Jean, c'est bon, mangez-en. Le foot pour un putain d'ascenseur social. La banlieue est la réserve du centre commercial. France d'en bas, oh oui, s'enculer par le foot. Dis pour la vie d'un autre combien ça coûte. Les footiques sont accro au génie du stade qui joue les gosses mal élevés soi-disant. Œil pour œil, but pour but, argent pour agent. Rage guerrier number one pour solder des salades. Joueurs, épouvantail, esclaves des sponsors. Prolétariat de millionnaires, crève la faim. VRP son image, nouveau riche tarpin. A flambé le cash comme un nickté mort. Football, bipolaire, mode publicitaire en finale. Le mal du siècle, si on va se foutre, man. Il lave le cerveau avec les manches, miam miam. Frérot, baisse ton Benz avec du foot sale. Moi, mon destin dans la vie, c'est droit au but. Moi, du talent à revendre, bonne gagneuse, bonne répute. Moi, ma plume pour rien, quelques dollars de plus. Moi, mon gros karma fiscal, kiffe celui de Crésus. Voilà une croquine qu'on voit bien gros du steak, mon cher coach. Bravo. Hein. Magnifique. Ben on peut dire hein, quand même bravo au sublime Bourtarame, qui est à mon avis un groupe plein d'avenir. Bah, oui, tout à fait. Ils nous l'ont prouvé en tout cas. Bien vivement ce soir, je vous propose, chers auditeurs de Radio Galère, pour ce foot punchline... Twittos et voix de merde, de retrouver peut-être une dernière fois ce soir Jean 2 au stade Giuseppe Meazza. Je pense qu'on a fait le bilan de ce match. Oui, là on est en troisième mi-temps, les joueurs sont rentrés chez eux déjà, l'entraîneur qui a remercié tous ses joueurs, et voilà, c'est une victoire 4-2 comme tout à l'heure. Et... ils sont contents, les interistes. Bah, vous avez peut-être encore 2-3 questions de votre pêche à la tweet, peut-être des morceaux de quiz. Quelques petites perles. Allez, on vous écoute. Avec plaisir. Qui avait tweeté uniquement des smileys retentissants, je crois 12. 12 grands smileys. Quand le Real s'est fait sortir sur tapis vert de la Coupe d'Espagne pour cette histoire C'était Gérard Piqué. Absolument, non, mon cher Manuel. Belle rapidité, je pense que tout le monde l'avait sur ce plateau, mais vous avez été le plus rapide. Vous suivez Gérard Piqué dans ses tweets. Oui, tout à fait. Je suis un follower de Gérard. Gérard, une petite précision, c'est Gérard Piqué. Oui, Gérard Piqué. Merci, coach. Qui a tweeté « Je ne comprends pas pourquoi le club de la capitale a acheté Pastore 42 millions d'euros » Jean-Michel Aulas. Non. C'est Javier Pastore. Le comptable de Jean-Michel Aulas. C'est dans ce petit club olympique, oui. Un expert comptable. C'est dans la Sanadiera. Non, c'est dans le petit olympique. Bruno. Bernard Lacombe. Non. C'est un joueur. Un joueur. Maxime Gonalon. Johan Gourcuff. Voilà. Karim Benzema. C'était le premier, non. Non, c'est plus récent que ça. Plus récent ? Bah, c'est dans le petit Olympique, mais plus récent que Karim Benzema. Ah oui, quand même, parce que Samuel, Samuel Umtiti. Mais c'est dans ces vers Gonalon, vous étiez pas loin. Tolisso. Absolument, mon cher Dondé. Corentin Tolisso s'est permis de tweeter de la sorte. Encore un de nos fameux habitués, là, c'est... C'est fou, quand même, de se permettre de tweeter un truc incroyable. Comme ça, à part de Corentin Tolisso. Corentin Tolisso, en 2015, s'est permis de tweeter cela. Surtout qu'il a été acheté en 2013, non, Pastore, donc... Deux ans après, Corentin Tolisso tweet. Comment on a acheté Pastore 42 millions. C'est... Manu, je vous sens pas très frais. Hein. C'est le punch du coach. Vous êtes bien servi. Le punch du coach. Vous avez pris punchline dans la gueule. Vous êtes un peu KO quand même. Hein, bah, bien. Écoutez, j'écoute, je bois vos paroles. En même temps que le punch du coach. Allez, là, c'est une histoire de rapidité, car un habitué de la twistosphère. Attention, Neymar, c'est le Justin Bieber du foot, brillant sur YouTube, pipicha dans la réalité. Barton. Eh oui, enfin le premier point du coach. Ça y est, il se réveille au bon moment. Coach, one point. Eh bien, un petit dernier. Allez, un petit dernier. Un petit dernier. Nos supporters valent le haut du tableau. Les seuls à la hauteur, c'est eux. Vincent Labrune. Galtier. Michel Tonini. Michel Tonini. René Malville. Non, c'est très récent. C'est un tweet qui date de hier. Bob Diouf. Ah, Basile Boli. Non. Ça concerne Red Pick à Marseille. Absolument. Valdemar Quitta. Ah, non, mais Jacques-Henri Hérault. Pas loin. Rudy Garcia. Absolument, je ne vous avais pas bien entendu, mon cher Manuel. C'est Rudy. On ne nous entend pas ici, alors je crois. Bah oui, nous non plus, on n'a pas entendu. C'est Rudy. Il est cuit, le mec. Ah, mais vous êtes inscrit au concours de voix de merde, Dende, c'est bien. Ouais, on a qu'à finir. Votre intervention est interminable, sur Manuel. voire minable. Mais qu'est-ce qu'il a, Dende, dis donc. Et voilà, paf. Alors, du coup, on vous... Cher Manu, vous avez assez de vis pour faire du bricolage, sachez-le. Je vois pas ce que vous voulez dire. Je bois un coup. Et alors, en attendant que je boive un coup, on va nous adresser, je crois, Brett, à votre voisine. Oui, Esther. Ah oui, une dernière salve alors. Voilà, alors c'est reparti. La petite histoire de la bio. Retenue avant de lancer la voix de merde, comme les blondes à bottes à Aix-en-Provence, cadre à l'intérieur duquel... Milieu de terrain, balance. Même si on a perdu, le bruit des flashs, la respiration médiatique à la radio peut aussi, d'un pied sur l'autre, voler. Les accents, signe de l'espace, la lumière dans la voie, matin, froid. L'épaisseur de la terre sous le gazon, ça roule, envie de trouver la punch, balistique, avant le ballon. Préparation au trajet, rentrée dedans, forme, contagion, d'où le désir, pulsion, d'imitation, plus fort que l'attaque morte à la radio, couple et souffle, inspiration, signe, humain. Inspiration courte avant de souffler la parole piste. Écoute la voix. Je crois qu'on peut vous applaudir. Joli, hein, ce magnifique. Travail magnifique que vous avez réalisé ce soir pour nos nombreux followers, pour les auditeurs de Radio Galère et de Débattons d'Anguirou. Brett, je crois qu'il va falloir conclure. Ben oui. Alors qu'on était bien. Tout à fait, on est bien, il fait chaud, il y a du punch. Ben oui, qu'on concluons. Je vois mon cher Brett que tel Tintin sur sa pirogue à la recherche de l'oreille cassée, nous remarquons combien vous gardez Louis Fine. Elle était bien, elle était préparée. Bah, je remarque aussi, coach, que vous étiez plutôt frais comme un gardon au début de l'émission, mais là vous me semblez plutôt fumé comme un saumon. Ben voilà. C'est à votre tour de boire un coup, que tu l'avais. Je crois que vous l'avez bien mérité. Excusez-nous, chers auditeurs, on était jeunes et cons à l'époque. Ben voilà, une punchline qui vous autorise à boire un coup vous-même, mon cher Jean-Denis. Avec plaisir. Et puis ben, on va se souhaiter une bonne fin d'année, parce que je crois qu'on se retrouve pas sur les ondes de Radio Galère pour ce mois de décembre 2016, puisque l'émission serait programmée, je crois, le 26 décembre, et là je crois qu'à part moi il y a personne qui serait présent, et j'ai pas hyper envie d'être tout seul. Voilà. On pourrait faire une émission avec le Père Noël, au moins qu'on enregistre quelque chose pour nos auditeurs. Tout sauf donc un best-of. C'est aux auditeurs de décider s'ils investissent massivement le Twitter DBGR ou le Facebook. DBD. En nous suppliant. DBDGR, pardon. Underscore. Mm-hmm. Ou le Facebook de Bâtons d'Anguirou. Peut-être qu'on fera un petit tour par les studios. Très bien. Merci de cette annonce, mon cher Dondé. Bonsoir à tous sur ce plateau. Bonsoir Esther. Merci beaucoup de votre participation. merci à vous. Je suis venu comme une reine et je pars comme une légende. D'abord, on va tous boire un coup à votre santé. Ouais. Du coup, Esther. Brett, à bientôt. Bah, à bientôt tout le monde, ouais. Merci beaucoup. Et puis, à l'année prochaine. See you next year. Salut les gars. Allez, ciao.